Enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Il. C'est à ces différents talents que Tartarin de Tarascon devait sa haute situation dans la ville. Du reste, c'est une chose positive que ce diable d'homme avait su prendre tout le monde. À Tarascon, l'armée était pour Tartarin. Le brave commandant Bravida, capitaine d'habillement en retraite, disait de lui « C'est un lapin ». Et vous pensez que le commandant s'y connaissait en lapin, après en avoir tant habillé? La magistrature était pour Tartarin. Deux ou trois fois, en plein tribunal, le vieux président Ladevèze avait dit, parlant de lui, « C'est un caractère !» Enfin, le peuple était pour Tartarin. Sa carrure, sa démarche, son air, un air de bon cheval de trompette qui ne craignait pas le bruit, cette réputation de héros qui lui venait on ne sait d'où, quelques distributions de gros sous et de taloches aux petits décrotteurs étalés devant sa porte, en avait fait le Lord Seymour de l'endroit, le roi des Halles tarasconnaises. Sur les quais, le dimanche soir, quand Tartarin revenait de la chasse, la casquette au bout du canon, bien sanglée dans sa veste de futaine, les portefaix du Rhône s'inclinaient pleins de respect, et se montrant du coin de l'œil les biceps gigantesques qui roulaient sur ses bras, ils se disaient tout bas les uns aux autres, avec admiration. « C'est celui-là qui est fort. Il a double muscle. Double muscle ! Il n'y a qu'à Tarascon qu'on entend de ces choses-là. » Et pourtant, en dépit de tout, avec ses nombreux talents, ses doubles muscles, la faveur populaire et l'estime si précieuse du brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, Tartarin n'était pas heureux. Cette vie de petite ville lui pesait, l'étouffait. Le grand homme de Tarascon s'ennuyait à Tarascon. Le fait est que pour une nature héroïque comme la sienne, pour une âme aventureuse et folle qui ne rêvait que bataille, course dans les pampas, grandes chasses, sable du désert, ouragans et typhons, faire tous les dimanches une battue à la casquette, et le reste du temps rendre la justice chez l'armurier Costecalde, ce n'était guère. Pauvre cher grand homme, à la longue, il y aurait eu de quoi le faire mourir de consomption. En vain, pour agrandir ses horizons, pour oublier un peu le cercle et la place du marché, en vain s'entourait-il de baobabs et autres végétations africaines. En vain entassait-il arme sur arme, krishmalet sur krishmalet. En vain se bourrait-il de lectures romanesques, cherchant comme l'immortel Don Quichotte à s'arracher par la vigueur de son rêve aux griffes de l'impitoyable réalité. Hélas, tout ce qu'il faisait pour apaiser sa soif d'aventure ne servait qu'à l'augmenter. La vue de toutes ses armes l'entretenait dans un état perpétuel de colère et d'excitation. Ses rifles, ses flèches, ses lasos lui criaient « Bataille, bataille !» Dans les branches de son baobab, le vent des grands voyages soufflait et lui donnait de mauvais conseils. Pour l'achever, Gustave Aymar et Fenimore Cooper. Oh, par les lourdes après-midi d'été, quand il était seul à lire au milieu de ses glaives, que de fois Tartarin s'est levé en rugissant. Que de fois il a jeté son livre et s'est précipité sur le mur pour décrocher une panoplie. Le pauvre homme oubliait qu'il était chez lui à Tarascon, avec un foulard de tête et des caleçons. Il mettait ses lectures en action, et s'exaltant au son de sa propre voix, criait en brandissant une hache ou un tomahawk « Qu'ils y viennent maintenant !» Il ? Qui il ? Tartarin ne le savait pas bien lui-même. Il, c'était tout ce qui attaque, tout ce qui combat, tout ce qui mord, tout ce qui griffe, tout ce qui scalpe, tout ce qui hurle, tout ce qui rugit. Il, c'était l'Indien Sioux dansant autour du poteau de guerre où le malheureux blanc est attaché. C'était l'ours gris des montagnes rocheuses qui se dandine et qui se lèche avec une langue pleine de sang. C'était encore le Touareg du désert, le pirate malais, le bandit des Abruzes. Il, enfin, c'était il. C'est-à-dire la guerre, les voyages, l'aventure, la gloire. Mais hélas, l'intrépide Tarasconnais avait beau les appeler, les défier. Ils ne venaient jamais. Pécaïré, qu'est-ce qu'ils seraient venus faire à Tarascon? Tartarin, cependant, les attendait toujours, surtout le soir en allant au cercle. Fin de la section 4, chapitre 4 du premier épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 5. Chapitre 5 du premier épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Ezwa. Quand Tartarin allait au cercle.

et à la longue. Le brave homme n'était pas bien sûr lui-même de n'être pas allé à Shanghai, si bien qu'en racontant pour la centième fois la descente des Tartares, il en arrivait à dire très naturellement « Alors, je fais armer mes commis, je hisse le pavillon consulaire et pan, pan, par les fenêtres sur les Tartares. » En entendant cela, tout le cercle frémissait. « Mais alors, votre Tartarin n'était qu'un affreux menteur ?»« Non, mille fois non, Tartarin n'était pas un menteur. » Pourtant, il devait bien savoir qu'il n'était pas allé à Shanghai. Et, sans doute, il le savait. Seulement, écoutez bien ceci. Il est temps de s'entendre une fois pour toutes sur cette réputation de menteur que les gens du Nord ont faite aux méridionaux. Il n'y a pas de menteur dans le Midi. Pas plus à Marseille qu'à Nîmes, qu'à Toulouse, qu'à Tarascon. L'homme du Midi ne ment pas. Il se trompe. Il ne dit pas toujours la vérité, mais il croit la dire. Son mensonge à lui, ce n'est pas du mensonge. C'est une espèce de mirage. Oui, du mirage. Et pour bien me comprendre, allez-vous-en dans le Midi, et vous verrez. Vous verrez ce diable de pays où le soleil transfigure tout et fait tout plus grand que nature. Vous verrez ces petites collines de Provence, pas plus hautes que la butte Montmartre, et qui vous paraîtront gigantesques. Vous verrez la maison carrée de Nîmes, un petit bijou d'étagère, qui vous semblera aussi grande que Notre-Dame. Vous verrez. Ah, le seul menteur du Midi, s'il y en a un, c'est le soleil. Tout ce qu'il touche, il l'exagère. Qu'est-ce que c'était que Sparte au temps de sa splendeur? Une bourgade? Qu'est-ce que c'était qu'Athènes? Tout au plus une sous-préfecture. Et pourtant, dans l'histoire, elles nous apparaissent comme des villes énormes. Voilà ce que le soleil en a fait. Vous étonnerez-vous après cela que le même soleil, tombant sur Tarascon, ait pu faire d'un ancien capitaine d'habillement comme Bravida, le brave commandant Bravida, d'un navet, un baobab, et d'un homme qui avait failli aller à Shanghai, un homme qui y était allé? Fin de la section 7, chapitre 7 du premier épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 8, chapitre 8 du premier épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Ezois. La ménagerie mitaine, un lion de l'Atlas à Tarascon. Terrible et solennelle entrevue. Et maintenant que nous avons montré Tartarin de Tarascon comme il était en son privé, avant que la gloire l'eût baisé au front et coiffé du laurier séculaire, maintenant que nous avons raconté cette vie héroïque dans un milieu modeste, ses joies, ses douleurs, ses rêves, ses espérances, hâtons-nous d'arriver aux grandes pages de son histoire et au singulier événement qui devait donner l'essor à cette incomparable destinée. C'était un soir, chez l'armurier Costecalde. Tartarin de Tarascon était en train de démontrer à quelques amateurs le maniement du fusil à aiguille, alors dans toute sa nouveauté. Soudain, la porte s'ouvre, et un chasseur de casquettes se précipite effaré dans la boutique en criant « Un lion! Un lion !» Stupeur générale, effroi, tumulte, bousculade. Tartarin croise la baïonnette. Costecalde court fermer la porte. On entoure le chasseur, on l'interroge, on le presse, et voici ce qu'on apprend. La ménagerie mitaine, revenant de la foire de Beaucaire, avait consenti à faire une halte de quelques jours à Tarascon et venait de s'installer sur la place du château avec un tas de boas, de phoques, de crocodiles et un magnifique lion de l'Atlas. Un lion de l'Atlas à Tarascon! Jamais de mémoire d'homme pareille chose ne s'était vue. Aussi, comme nos braves chasseurs de casquettes se regardaient fièrement, quel rayonnement sur leur mâle visage et dans tous les coins de la boutique Costecalde! Quelle bonne poignée de main silencieusement échangée! L'émotion était si grande, si imprévue, que personne ne trouvait un mot à dire. Pas même Tartarin. Pâle et frémissant, le fusil à l'aiguille encore entre les mains, il songeait debout devant le comptoir. Un lion de l'Atlas, là, tout près, à deux pas. Un lion! C'est-à-dire la bête héroïque et féroce par excellence, le roi des fauves, le gibier de ses rêves, quelque chose comme le premier sujet de cette troupe idéale qui lui jouait de si beaux drames dans son imagination. Un lion, mille dieux! Et de l'Atlas encore! C'était plus que le grand Tartarin n'en pouvait supporter. Tout à coup, un paquet de sang lui monta au visage. Ses yeux flambèrent. D'un geste convulsif, il jeta le fusil à aiguille sur son épaule, et, se tournant vers le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, il lui dit d'une voix de tonnerre « Allons voir ça, commandant !»« Hébé, hébé, et mon fusil à aiguille que vous emportez !»

aussi parlait-il de ces choses avec une grande éloquence. Mais où il était le plus beau, c'était le soir à dîner chez le président Ladevèze, ou le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, quand on apportait le café et que, toutes les chaises se rapprochant, on le faisait parler de ses chasses futures. Alors, le coude sur la nappe, le nez dans son moka, le héros racontait d'une voix émue tous les dangers qui l'attendaient là-bas. Il disait les longs affûts sans lune, les marais pestilentiels, les rivières empoisonnées par la feuille du laurier rosé, les neiges, les soleils ardents, les scorpions, les pluies de sauterelles. Il disait aussi les mœurs des grands lions de l'Atlas, leur façon de combattre, leur vigueur phénoménale et leur férocité au temps du rut. Puis, s'exaltant à son propre récit, il se levait de table, bondissait au milieu de la salle à manger, imitant le cri du lion, le bruit d'une carabine, pan, pan, le sifflement d'une balle explosive, pfst, pfst, gesticulait, rugissait, renversait les chaises. Autour de la table, tout le monde était pâle. Les hommes se regardaient en hochant la tête. Les dames fermaient les yeux avec de petits cris d'effroi. Les vieillards brandissaient leurs longues cannes belliqueusement, et dans la chambre à côté, les petits garçonnets qu'on couche de bonne heure, éveillés en sursaut par les rugissements et les coups de feu, avaient grand peur et demandaient de la lumière. En attendant, Tartarin ne partait pas. Fin de la section 10, chapitre 10 du premier épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 11. Chapitre 11 du premier épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezois. Des coups d'épée, messieurs, des coups d'épée. Mais pas de coups d'épingle. Avait-il bien réellement l'intention de partir? Question délicate, et à laquelle l'historien de Tartarin serait fort embarrassé de répondre. Toujours est-il que la ménagerie Mitaine avait quitté Tarascon depuis plus de 3 mois, et le tueur de lions ne bougeait pas. Après tout, peut-être le candide héros, aveuglé par un nouveau mirage, se figurait-il de bonne foi qu'il était allé en Algérie. Peut-être qu'à force de raconter ses futures chasses, il s'imaginait les avoir faites, aussi sincèrement qu'il s'imaginait avoir hissé le drapeau consulaire et tiré sur les Tartares, pan, pan, à Shanghai. Malheureusement, si cette fois encore Tartarin de Tarascon fut victime du mirage, les Tarasconnais ne le furent pas. Lorsqu'au bout de 3 mois d'attente, on s'aperçut que le chasseur n'avait pas encore fait une malle, on commença à murmurer. « Ce sera comme pour Shanghai, » disait Costecalde en souriant. Et le mot de l'armurier fit fureur dans la ville, car personne ne croyait plus en Tartarin. Les naïfs, les poltrons, des gens comme Bézuquet, qu'une puce aurait mis en fuite et qui ne pouvaient pas tirer un coup de fusil sans fermer les yeux, ceux-là surtout étaient impitoyables. Au cercle, sur l'esplanade, ils abordaient le pauvre Tartarin avec de petits airs goguenards. « Et autrement, pour quand ce voyage ?» Dans la boutique Costecalde, son opinion ne faisait plus foi. Les chasseurs de casquettes reniaient leur chef. Puis les épigrammes s'en mêlèrent. Le président Ladevèze, qui faisait volontiers en ses heures de loisir 2 doigts de cour à la muse provençale, composa dans la langue du cru une chanson qui eut beaucoup de succès. Il était question d'un certain grand chasseur appelé Maître Gervais, dont le fusil redoutable devait exterminer jusqu'au dernier tous les lions d'Afrique. Par malheur, ce diable de fusil était de complexion singulière. On le chargeait toujours, il ne partait jamais. Il ne partait jamais, vous comprenez l'allusion. En un tour de main, cette chanson devint populaire. Et quand Tartarin passait, les portefaix du quai, les petits décrotteurs de devant sa porte chantaient en chœur. Loufouziou de Maître Gervais, toujours loucargon, toujours loucargon, loufouziou de Maître Gervais, toujours loucargon, par jamais. Seulement cela se chantait de loin, à cause des doubles muscles. Ô fragilité des engouements de Tarascon! Le grand homme, lui, feignait de ne rien voir, de ne rien entendre. Mais au fond, cette petite guerre sourde et venimeuse l'affligeait beaucoup. Il sentait Tarascon lui glisser dans la main, la faveur populaire aller à d'autres, et cela le faisait horriblement souffrir. Ah, la grande gamelle de la popularité! Il fait bon s'asseoir devant, mais quel échaudement quand elle se renverse! En dépit de sa souffrance, Tartarin souriait et menait paisiblement sa même vie, comme si de rien n'était. Quelquefois, cependant, ce masque de joyeuse insouciance, qu'il s'était par fierté collé sur le visage, se détachait subitement. Alors, au lieu du rire, on voyait l'indignation et la douleur. C'est ainsi qu'un matin que les petits décrotteurs chantaient sous ses fenêtres « L'oufouziou de Maître Gerveille », les voix de ces misérables arrivèrent jusqu'à la chambre du pauvre grand homme en train de se raser devant sa glace. Tartarin portait toute sa barbe, mais comme elle venait trop forte, il était obligé de la surveiller. Tout à coup, la fenêtre s'ouvrit violemment, et Tartarin apparut en chemise, en serre-tête, barbouillé de bon savon blanc, brandissant son rasoir et sa savonnette, et criant d'une voix formidable « Des coups d'épée, messieurs, des coups d'épée, mais pas de coups d'épingle !» Belle parole digne de l'histoire, qui n'avait que le tort de s'adresser à ces petits fouchtras, hauts comme leurs boîtes à cirage et gentilshommes tout à fait incapables de tenir une épée. Fin de la section 11, chapitre 11 du premier épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 12. Chapitre 12 du premier épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoa. De ce qui fut dit dans la petite maison du Baobab. Au milieu de la défection générale, l'armée seule tenait bon pour Tartarin. Le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, continuait à lui marquer la même estime. « C'est un lapin », s'entêtait-il à dire, et cette affirmation valait bien, j'imagine, celle du pharmacien Bézuquet. Pas une fois le brave commandant n'avait fait allusion au voyage en Afrique. Pourtant, quand la clameur publique devint trop forte, il se décida à parler. Un soir, le malheureux Tartarin était seul dans son cabinet, pensant à des choses tristes, quand il vit entrer le commandant, grave, ganté de noir, boutonné jusqu'aux oreilles. « Tartarin !» fit l'ancien capitaine avec autorité. « Tartarin, il faut partir !» Et il restait debout dans l'encadrement de la porte, rigide et grand comme le devoir. Tout ce qu'il y avait dans ce « Tartarin, il faut partir !» Tartarin de Tarascon le comprit. Très pâle, il se leva, regarda autour de lui d'un œil attendri ce joli cabinet, bien clos, plein de chaleur et de lumière douce, ce large fauteuil si commode, ses livres, son tapis, les grands stores blancs de ses fenêtres, derrière lesquels tremblaient les branches grêles du petit jardin. Puis, s'avançant vers le brave commandant, il lui prit la main, la serra avec énergie, et d'une voix où roulaient des larmes, stoïque cependant, il lui dit « Je partirai, Bravida !» Et il partit, comme il l'avait dit. Seulement, pas encore tout de suite. Il lui fallut le temps de s'outiller. D'abord, il commanda chez Bompard deux grandes malles doublées de cuivre, avec une longue plaque portant cette inscription « Tartarin de Tarascon, caisse d'armes ». Le doublage et la gravure prirent beaucoup de temps. Il commanda aussi chez Tastavin un magnifique album de voyage pour écrire son journal, ses impressions, car enfin, on a beau chasser le lion, on pense tout de même en route. Puis il fit venir de Marseille toute une cargaison de conserves alimentaires, du pemmican en tablette pour faire du bouillon, une tente abri d'un nouveau modèle, se montant et se démontant à la minute, des bottes de marin, deux parapluies, un waterproof, des lunettes bleues pour prévenir les ophtalmies. Enfin, le pharmacien Bézuquet lui confectionna une petite pharmacie portative bourrée de sparadrap, d'arnica, de camphre, de vinaigre des quatre voleurs. Pauvre Tartarin, ce qu'il en faisait, ce n'était pas pour lui. Mais il espérait, à force de précautions et d'attentions délicates, apaiser la fureur de Tartarin Sancho, qui, depuis que le départ était décidé, ne décollerait ni de jour ni de nuit. Fin de la section 12. Chapitre 12 du premier épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 13. Chapitre 13 du premier épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoa. Le départ.

Un autre nègre prit les rames. Tous deux regardaient Tartarin en riant et montrant leurs dents blanches. Debout à l'arrière, avec cette terrible moue qui faisait la terreur de ses compatriotes, le grand Tarasconnais tourmentait fiévreusement le manche de son coutelas. Car, malgré ce qu'avait pu lui dire Barbassou, il n'était qu'à moitié rassuré sur les intentions de ces portefaix à peau d'ébène qui ressemblaient si peu aux braves portefaix de Tarascon. 5 minutes après, la barque arrivait à terre, et Tartarin posait le pied sur ce petit quai barbaresque où 300 ans auparavant, un galérien espagnol nommé Michel Cervantes préparait, sous le bâton de la chiourme algérienne, un sublime roman qui devait s'appeler Don Quichotte. Fin de la section 16, chapitre 2 du deuxième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 17. Chapitre 3 du deuxième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoy. Invocation à Cervantes. Débarquement. Où sont les teurs? Pas de teurs. Désillusion. Oh, Michel Cervantes Saavedra, si ce qu'on dit est vrai, qu'aux lieux où les grands hommes ont habité, quelque chose d'eux-mêmes erre et flotte dans l'air jusqu'à la fin des âges, ce qui restait de toi sur la plage barbaresque dut tressaillir de joie en voyant débarquer Tartarin de Tarascon, ce type merveilleux du Français du Midi en qui s'étaient incarnés les deux héros de ton livre, Don Quichotte et Sancho Panza. L'air était chaud ce jour-là. Sur le quai ruisselant de soleil, 5 ou 6 douaniers, des Algériens attendant des nouvelles de France, quelques Maures accroupis qui fumaient leurs longues pipes, des matelots maltais amenant de grands filets où des milliers de sardines luisaient entre les mailles comme de petites pièces d'argent. Mais à peine Tartarin eut-il mis pied à terre, le quai s'anima, changea d'aspect. Une bande de sauvages, encore plus hideux que les forbans du bateau, se dressa d'entre les cailloux de la berge et se rua sur le débarquant. Grands Arabes tout nus sous des couvertures de laine, petits Maures en guenilles, nègres, tunisiens, mahonnais, mzabites, garçons d'hôtel en tablier blanc, tous criant, hurlant, s'accrochant à ses habits, se disputant ses bagages, l'un emportant ses conserves, l'autre sa pharmacie, et dans un charabia fantastique, lui jetant à la tête des noms d'hôtels invraisemblables. Étourdi de tout ce tumulte, le pauvre Tartarin allait, venait, pestait, jurait, se démenait, courait après ses bagages, et ne sachant comment se faire comprendre de ces barbares, les haranguait en français, en provençal et même en latin, du latin de Poursognac, Rosa, la rose, bonus, bona, bonum. Tout ce qu'il savait. Peine perdue. On ne l'écoutait pas. Heureusement qu'un petit homme, vêtu d'une tunique à collet jaune et armé d'une longue canne de compagnon, intervint comme un dieu d'Homère dans la mêlée et dispersa toute cette racaille à coups de bâton. C'était un sergent de ville algérien. Très poliment, il engagea Tartarin à descendre à l'hôtel de l'Europe et le confia à des garçons de l'endroit qui l'emmenèrent, lui et ses bagages, en plusieurs brouettes. Au premier pas qu'il fit dans Alger, Tartarin de Tarascon ouvrit de grands yeux. D'avance, il s'était figuré une ville orientale, féerique, mythologique, quelque chose tenant le milieu entre Constantinople et Zanzibar. Il tombait en plein Tarascon. Des cafés, des restaurants, de larges rues, des maisons à 4 étages, une petite place macadamisée où des musiciens de la ligne jouaient des polkas d'Offenbach, des messieurs sur des chaises buvant de la bière avec des échaudés, des dames, quelques lorettes, et puis des militaires, encore des militaires, toujours des militaires. Et pas un teurt! Il n'y avait que lui. Aussi, pour traverser la place, se trouva-t-il un peu gêné. Tout le monde le regardait. Les musiciens de la ligne s'arrêtèrent, et la polka d'Offenbach resta un pied en l'air. Les deux fusils sur l'épaule, le revolver sur la hanche, farouche et majestueux comme Robinson Crusoé, Tartarin passa gravement au milieu de tous les groupes. Mais en arrivant à l'hôtel, ses forces l'abandonnèrent. Le départ de Tarascon, le port de Marseille, la traversée, le prince monténégrin, les pirates, tout se brouillait et roulait dans sa tête. Il fallut le monter à sa chambre, le désarmer, le déshabiller. Déjà même on parlait d'envoyer chercher un médecin. Mais, à peine sur l'oreiller, le héros se mit à ronfler si haut et de si bon cœur

après un moment de réflexion. « Bah !» se dit-il, « ce sont des blagueurs, ils n'ont rien tué du tout. » Et il continua son chemin. Déjà les maisons se faisaient plus rares, les passants aussi. La nuit tombait, les objets devenaient confus. Tartarin de Tarascon marcha encore une demi-heure. À la fin, il s'arrêta. C'était tout à fait la nuit. Nuit sans lune, criblée d'étoiles. Personne sur la route. Malgré tout, le héros pensa que les lions n'étaient pas des diligences, il ne devait pas volontiers suivre le grand chemin. Il se jeta à travers champs. À chaque pas, des fossés, des ronces, des broussailles. N'importe, il marchait toujours. Puis tout à coup, halte. « Il y a du lion dans l'air par ici, » se dit notre homme, et il renifla fortement de droite et de gauche. Fin de la section 18, chapitre 4 du deuxième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 19, chapitre 5 du deuxième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Ezoy. Pan, pan! C'était un grand désert sauvage, tout hérissé de plantes bizarres, de ces plantes d'Orient qui ont l'air de bêtes méchantes. Sous le jour discret des étoiles, leur ombre agrandie s'étirait par terre en tous sens. À droite, la masse confuse et lourde d'une montagne, l'Atlas peut-être. À gauche, la mer invisible qui roulait sourdement. Un vrai gîte à tenter les fauves. Un fusil devant lui, un autre dans les mains, Tartarin de Tarascon mit un genou en terre et attendit. Il attendit une heure, deux heures, rien. Alors il se souvint que, dans ses livres, les grands tueurs de lions n'allaient jamais à la chasse sans emmener un petit chevreau qu'ils attachaient à quelques pas devant eux et qu'ils faisaient crier en lui tirant la patte avec une ficelle. N'ayant pas de chevreau, le Tarasconnais eut l'idée d'essayer des imitations et se mit à bêler d'une voix chevrotante. « Mais... » D'abord très doucement, parce qu'au fond de l'âme, il avait tout de même un peu peur que le lion l'entendît. Puis, voyant que rien ne venait, il bêla plus fort. « Mais... » Rien encore. Impatienté, il reprit de plus belle et plusieurs fois de suite « Mais... » avec tant de puissance que ce chevreau finissait par avoir l'air d'un bœuf. Tout à coup, à quelques pas devant lui, quelque chose de noir et de gigantesque s'abattit. Il se tut. Cela se baissait, flairait la terre, bondissait, se roulait, partait au galop, puis revenait et s'arrêtait net. C'était le lion, à n'en pas douter. Maintenant, on voyait très bien ses quatre pattes courtes, sa formidable encolure, et deux yeux, deux grands yeux qui luisaient dans l'ombre. Anjou, feu, pan, pan! C'était fait. Puis tout de suite un bondissement en arrière et le coutelas de chasse au poing. Au coup de feu du Tarasconnais, un hurlement terrible répondit. « Il en a !» cria le bon Tartarin, et ramassé sur ses fortes jambes, il se préparait à recevoir la bête. Mais elle en avait plus que son compte et s'enfuit au triple galop en hurlant. Lui pourtant ne bougea pas. Il attendait la femelle, toujours comme dans ses livres. Par malheur, la femelle ne vint pas. Au bout de deux ou trois heures d'attente, le Tarasconnais se lassa. La terre était humide, la nuit devenait fraîche, la bise de mer piquait. « Si je faisais un somme en attendant le jour, » se dit-il, et pour éviter les rhumatismes, il eut recours à la tente-abri. Mais voilà le diable! Cette tente-abri était d'un système si ingénieux, qu'il ne put jamais venir à bout de l'ouvrir. Il eut beau s'escrimer et suer pendant une heure, la damnée tente ne s'ouvrit pas. Il y a des parapluies qui, par des pluies torrentielles, s'amusent à vous jouer de ces tours-là. De guerre lasse, le Tarasconnais jeta l'ustensile par terre et se coucha dessus, en jurant comme un vrai Provençal qu'il était. Ta-ta-ta-ta-ta! Kessako! Fit Tartarin, s'éveillant en sursaut. C'étaient les clairons des chasseurs d'Afrique qui sonnaient la diane dans les casernes de Mustapha. Le tueur de lions, stupéfait, se frotta les yeux. Lui qui se croyait en plein désert. Savez-vous où il était? Dans un carré d'artichaut entre un plant de chou-fleur et un plant de betterave. Son Sahara avait des légumes.

des maures marchands de la ville haute, des nègres, des maltais, des colons de l'intérieur qui ont fait 40 lieues pour venir hasarder sur un as l'argent d'une charrue ou d'un couple de bœufs. Tous frémissants, pâles, les dents serrées, avec ce regard singulier du joueur, trouble, en biseau, devenu louche à force de fixer toujours la même carte. Plus loin, ce sont des tribus de juifs algériens jouant en famille. Les hommes ont le costume oriental hideusement agrémenté de bas bleus et de casquettes de velours. Les femmes, bouffies et blafardes, se tiennent toutes raides dans leurs étroits plastrons d'or. Groupées autour des tables, toute la tribu piaille, se concerte, compte sur ses doigts et joue peu. De temps en temps seulement, après de longs conciliabules, un vieux patriarche à barbe de père éternel se détache et va risquer le douro familial. C'est alors, tant que la partie dure, un scintillement d'yeux hébraïques tournés vers la table, terribles yeux d'aimants noirs qui font frétiller les pièces d'or sur le tapis et finissent par les attirer tout doucement comme par un fil. Puis des querelles, des batailles, des jurons de tous les pays, des cris fous dans toutes les langues, des couteaux qu'on dégaine, la garde qui monte, de l'argent qui manque. C'est au milieu de ces saturnales que le grand Tartarin était venu s'égarer un soir pour chercher l'oubli et la paix de cœur. Le héros s'en allait seul, dans la foule, pensant à sa mauresque, quand tout à coup, à une table de jeu, par-dessus les cris, le bruit de l'or, deux voix irritées s'élevèrent. « Je vous dis qu'il me manque 20 francs, monsieur. »« Monsieur ?»« Après, monsieur ?»« Apprenez à qui vous parlez, monsieur. »« Je ne demande pas mieux, monsieur. »« Je suis le prince Grégory du Monténégro, monsieur. » À ce nom-là, Tartarin, tout ému, fendit la foule et vint se placer au premier rang, joyeux et fier de retrouver son prince, ce prince monténégrin si poli dont il avait ébauché la connaissance à bord du paquebot. Malheureusement, ce titre d'altesse qui avait tant ébloui le bon Tarasconnais ne produisit pas la moindre impression sur l'officier de chasseur avec qui le prince avait son algarade. « Me voilà bien avancé !» fit le militaire en ricanant, puis se tournant vers la galerie. « Grégory du Monténégro, qui connaît ça? Personne ?» Tartarin, indigné, fit un pas en avant. « Pardon, je connais le prince, » dit-il d'une voix très ferme et de son plus bel accent tarasconnais. L'officier de chasseur le regarda un moment bien en face, puis, levant les épaules, « Allons, c'est bon, partagez-vous les 20 francs qui manquent et qu'il n'en soit plus question. » Là-dessus, il tourna le dos et se perdit dans la foule. Le fougueux Tartarin voulait s'élancer derrière lui, mais le prince l'en empêcha. « Laissez, j'en fais mon affaire. » Et prenant le Tarasconnais par le bras, il l'entraîna dehors rapidement. Dès qu'ils furent sur la place, le prince Grégory du Monténégro se découvrit, tendit la main à notre héros, et se rappelant vaguement son nom, commença d'une voix vibrante. « Monsieur Barbarin !»« Tartarin !» souffla l'autre timidement. « Tartarin, Barbarin, n'importe ! Entre nous maintenant, c'est à la vie, à la mort !» Et le noble Monténégrin lui secoua la main avec une farouche énergie. Vous pensez si le Tarasconnais était fier? Prince, prince, répétait-il avec ivresse. Un quart d'heure après, ces deux messieurs étaient installés au restaurant des Platanes, agréable maison de nuit dont les terrasses plongent sur la mer, et là, devant une forte salade russe arrosée d'un joli vin de Crécia, on renoua connaissance. Vous ne pouvez rien imaginer de plus séduisant que ce prince monténégrin. Mince, fin, les cheveux crépus, frisés au petit fer, rasé à la pierre ponce, constellé d'ordres bizarres. Il avait l'œil futé, le geste câlin et un accent vaguement italien qui lui donnait un faux air de Mazarin sans moustache. Très ferré d'ailleurs sur les langues latines, et citant à tout propos Tacite, Horace et les commentaires. De vieille race héréditaire, ses frères l'avaient, paraît-il, exilé dès l'âge de 10 ans, à cause de ses opinions libérales, et depuis il courait le monde pour son instruction et son plaisir, en altesse philosophe. Coïncidence singulière? Le prince avait passé 3 ans à Tarascon, et comme Tartarin s'étonnait de ne l'avoir jamais rencontré au cercle ou sur l'esplanade, « Je sortais peu, » fit l'altesse d'un ton évasif. Et le Tarasconnais, par discrétion, n'osa pas en demander davantage. Toutes ces grandes existences ont des côtés si mystérieux. En fin de compte, un très bon prince, ce seigneur Grégory. Tout en sirotant le vin rosé de Crécia, il écouta patiemment Tartarin lui parler de sa mauresque, et même il se fit fort, connaissant toutes ces dames, de la retrouver promptement. On but sec et longtemps. On trinqua aux dames d'Alger, au Monténégro libre. Dehors, sous la terrasse, la mer roulait, et les vagues, dans l'ombre, battaient la rive avec un bruit de drap mouillé qu'on secoue. L'air était chaud, le ciel plein d'étoiles. Dans les platanes, un rossignol chantait. Ce fut Tartarin qui paya la note. Fin de la section 23, chapitre 9 du deuxième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 24, chapitre 10 du deuxième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Ezoy. Dis-moi le nom de ton père, et je te dirai le nom de cette fleur. Parlez-moi des princes monténégrins pour lever lestement la caille. Le lendemain de cette soirée au platane, dès le petit jour, le prince Grégory était dans la chambre du Tarasconnais. « Vite, vite, habillez-vous! Votre mauresque est retrouvée. Elle s'appelle Baïa. 20 ans, jolie comme un cœur, et déjà veuve. Veuve ? Quelle chance ! » fit joyeusement le brave Tartarin qui se méfiait des maris d'Orient. « Oui, mais très surveillé par son frère. Ah, diantre ! Un maure farouche qui vend des pipes au bazar d'Orléans. » Ici, un silence. « Bon, reprit le prince, vous n'êtes pas homme à vous effrayer pour si peu. Et puis on viendra peut-être à bout de ce forban en lui achetant quelques pipes. Allons vite, habillez-vous, heureux coquin !» Pâle, ému, le cœur plein d'amour, le Tarasconnais sauta de son lit, boutonnant à la hâte son vaste caleçon de flanelle. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Écrire à la dame tout simplement et lui demander un rendez-vous. Elle sait donc le français ? » fit d'un air désappointé le naïf Tartarin qui rêvait d'Orient sans mélange. « Elle n'en sait pas un mot, répondit le prince imperturbablement. Mais vous allez me dicter la lettre et je traduirai à mesure. Ô prince, que de bonté ! » Et le Tarasconnais se mit à marcher à grands pas dans la chambre, silencieuse et se recueillant. Vous pensez qu'on n'écrit pas à une mauresque d'Alger comme à une grisette de Beaucaire. Fort heureusement que notre héros avait par-devers lui ces nombreuses lectures qui lui permirent, en amalgamant la rhétorique apache des Indiens de Gustave Aimard avec le « Voyage en Orient » de Lamartine et quelques lointaines réminiscences du « Cantique des Cantiques », de composer la lettre la plus orientale qu'il se put voir. Cela commençait par « Comme l'autruche dans les sables » et finissait par « Dis-moi le nom de ton père, et je te dirai le nom de cette fleur. » À cet envoi, le romanesque Tartarin aurait bien voulu joindre un bouquet de fleurs emblématiques à la mode orientale, mais le prince Grégory pensa qu'il valait mieux acheter quelques pipes chez le frère, ce qui ne manquerait pas d'adoucir l'humeur sauvage du monsieur et ferait certainement très grand plaisir à la dame qui fumait beaucoup. « Allons vite acheter des pipes !» fit Tartarin plein d'ardeur. « Non, non, laissez-moi y aller seul, je les aurai à meilleur compte. Comment, vous voulez ?»« Oh, prince, prince !» Et le brave homme, tout confus, tendit sa bourse à l'obligeant monténégrin, en lui recommandant de ne rien négliger pour que la dame fût contente. Malheureusement, l'affaire, quoique bien lancée, ne marcha pas aussi vite qu'on aurait pu l'espérer. Très touchée, paraît-il, de l'éloquence de Tartarin, et du reste aux trois quarts séduite par avance, la mauresque n'aurait pas mieux demandé que de le recevoir. Mais le frère avait des scrupules, et pour les endormir, il fallut acheter des douzaines, des grosses, des cargaisons de pipes. « Qu'est-ce que diable Baïa peut faire de toutes ces pipes ?» se demandait parfois le pauvre Tartarin. Mais il payait quand même et sans lésiner. Enfin, après avoir acheté des montagnes de pipes et répandu des flots de poésie orientale, on obtint un rendez-vous. Je n'ai pas besoin de vous dire avec quel battement de cœur le Tarasconnais s'y prépara, avec quel soin ému il tailla, lustra, parfuma sa rude barbe de chasseur de casquettes, sans oublier, car il faut tout prévoir, de glisser dans sa poche un casse-tête à pointe et 2 ou 3 revolvers. Le prince, toujours obligeant, vint à ce premier rendez-vous en qualité d'interprète. La dame habitait dans le haut de la ville. Devant sa porte, un jeune maure de 13 à 14 ans fumait des cigarettes. C'était le fameux Ali, le frère en question. En voyant arriver les deux visiteurs, il frappa 2 coups à la poterne et se retira discrètement. La porte s'ouvrit. Une négresse parut qui, sans dire un seul mot, conduisit ces messieurs à travers l'étroite cour intérieure dans une petite chambre fraîche où la dame attendait, accoudée sur un lit bas. Au premier abord, elle parut au Tarasconnais plus petite et plus forte que la mauresque de l'omnibus. Au fait, était-ce bien la même ? Mais ce soupçon ne fit que traverser le cerveau de Tartarin comme un éclair. La dame était si jolie ainsi avec ses pieds nus, ses doigts grassouillés chargés de bagues, roses, fines, et sous son corselet de drap doré, sous les ramages de sa robe à fleurs, laissant deviner une aimable personne un peu boulotte, friande à points et ronde de partout.

s'écria le Tarasconnais en faisant un saut en arrière. En entendant cette exclamation, le lion baissa la tête, et prenant dans sa gueule une sébile en bois posée devant lui sur le trottoir, il l'attendit humblement du côté de Tartarin, immobile de stupeur. Un arabe qui passait jeta un gros sou dans la sébile. Le lion remua la queue. Alors Tartarin comprit tout. Il vit ce que l'émotion l'avait d'abord empêché de voir, la foule attroupée autour du pauvre lion aveugle et apprivoisé, et les deux grands nègres armés de gourdins qui le promenaient à travers la ville comme un savoyard sa marmotte. Le sang du Tarasconnais ne fit qu'un tour. « Misérable ! » cria-t-il d'une voix de tonnerre. « Ravaler ainsi ces nobles bêtes !» Et s'élançant sur le lion, il lui arracha l'immonde sébile d'entre ses royales mâchoires. Les deux nègres, croyant avoir affaire à un voleur, se précipitèrent sur le Tarasconnais, la matraque haute. Ce fut une terrible bousculade. Les nègres tapaient, les femmes piaillaient, les enfants riaient. Un vieux cordonnier juif criait du fond de sa boutique « Aux ouches de paix! Aux ouches de paix !» Le lion lui-même, dans sa nuit, essaya d'un rugissement, et le malheureux Tartarin, après une lutte désespérée, roula par terre au milieu des gros sous et des balayures. À ce moment, un homme fendit la foule, écarta les nègres d'un mot, les femmes et les enfants d'un geste, releva Tartarin, le brossa, le secoua, et l'assit tout essoufflé sur une borne. « Comment, prince, c'est vous ?» fit le bon Tartarin en se frottant les côtes. « Eh oui, mon vaillant ami, c'est moi. Sitôt votre lettre reçue, j'ai confié Baïa à son frère, loué une chaise de poste, fait 50 lieues ventre à terre, et me voilà juste à temps pour vous arracher à la brutalité de ces rustres. Qu'est-ce que vous avez donc fait, juste Dieu, pour vous attirer cette méchante affaire ? Que voulez-vous, prince ? De voir ce malheureux lion avec sa sébile aux dents, humilié, vaincu, bafoué, servant de risée à toute cette pouillerie musulmane ? Mais vous vous trompez, mon noble ami. Ce lion est, au contraire, pour eux un objet de respect et d'adoration. C'est une bête sacrée qui fait partie d'un grand couvent de lions fondé il y a 300 ans par Mahomet Ben Aouda, une espèce de trappe formidable et farouche, pleine de rugissements et d'odeurs de fauve, où des moines singuliers élèvent et apprivoisent des lions par centaines et les envoient de là dans toute l'Afrique septentrionale, accompagnés de frères quêteurs. Les dons que reçoivent les frères servent à l'entretien du couvent et de sa mosquée, et si les deux nègres ont montré tant d'humeur tout à l'heure, c'est qu'ils ont la conviction que pour un sou, un seul sou de la quête, volé ou perdu par leur faute, le lion qu'ils conduisent les dévorerait immédiatement. En écoutant ce récit invraisemblable et pourtant véridique, Tartarin de Tarascon se délectait et reniflait l'air bruyamment. « Ce qui me va dans tout ceci, fit-il en matière de conclusion, c'est que, n'en déplaise à M. Bombonnel, il y a encore des lions en Algérie. S'il y en a, dit le prince avec enthousiasme, dès demain nous allons battre la plaine de Chélif et vous verrez. Et quoi, prince, auriez-vous l'intention de chasser vous aussi? Parbleu! Pensez-vous donc que je vous laisserai vous en aller seul en pleine Afrique, au milieu de ces tribus féroces dont vous ignorez la langue et les usages? Non, non, illustre Tartarin, je ne vous quitte plus. Partout où vous serez, je veux être. Oh, prince, prince! » Et Tartarin, radieux, pressa sur son cœur le vaillant Grégory, en songeant avec fierté qu'à l'exemple de Jules Gérard, de Bombonnel et tous les autres fameux tueurs de lions, il allait avoir un prince étranger pour l'accompagner dans ses chasses. Fin de la section 29, chapitre 3 du troisième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 30, chapitre 4 du troisième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoa. La caravane en marche. Le lendemain, dès la première heure, l'intrépide Tartarin et le non moins intrépide prince Grégory, suivis d'une demi-douzaine de portefaix nègres, sortaient de Miliana et descendaient vers la plaine de Chélif par un raidillon délicieux tout ombragé de jasmin, de touya, de caroubiers, d'oliviers sauvages, entre deux haies de petits jardins indigènes et des milliers de joyeuses sources vives qui dégringolaient de roche en chantant. Un paysage du Liban. Aussi chargé d'armes que le grand Tartarin, le prince Grégory s'était en plus affublé d'un magnifique et singulier képi tout galonné d'or, avec une garniture de feuilles de chêne brodées au fil d'argent, qui donnait à son Altesse un faux air de général mexicain ou de chef de garde des bords du Danube.